بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'événement inévitable. Qu'est-ce que l'événement inévitable? Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est l'événement inévitable? كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Les Thamoud et les Ahad n'ont pas cru au cataclysme à venir. Les Thamoud furent détruits par la foudre, et les Had furent détruits par un vent mugissant d'une violence inouïe, que Dieu leur imposa durant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors des gens gisants, inertes par terre, tels des troncs de palmiers creux. En vois-tu le moindre vestige ? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Pharaon et ceux qui vécurent avant lui, de même que les villes renversées persistèrent dans leurs fautes. Ils désobéirent aux messagers de leur Seigneur. Alors celui-ci les saisit d'une saisie violente. Quand les eaux du déluge se déchaînèrent, nous vous transportâmes à bord de l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille attentive conserve. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Puis, quand on soufflera une fois dans la trompe, et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis pulvérisées d'un seul coup. Ce jour-là, alors, l'événement se produira. Le ciel se fendra devenu flasque en ce jour. Sur ses côtés se tiendront les anges, et 8 d'entre eux ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Ce jour-là, vous comparaîtrez, et rien de vous ne sera caché. Celui à qui l'on remettra le livre dans la main droite dira « Tenez, lisez mon livre ». Je croyais fermement devoir un jour rendre compte de mes actes. Il jouira d'un séjour agréable, dans un haut jardin, dont les fruits seront à portée de main. Mangez et buvez comme vous voulez, en récompense des bonnes actions que vous avez faites dans le passé. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Quant à celui à qui l'on remettra le livre de ses œuvres dans la main gauche, il dira « Hélas, j'aurais souhaité qu'on ne me remette pas mon livre et ne pas connaître le bilan de mes œuvres. Si seulement ma mort avait été définitive, ma fortune ne m'a servi à rien et mon autorité m'a quitté à jamais. » Alors on dira « Saisissez-le et enchaînez-le. Et jetez-le dans le feu de l'enfer, attachez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Dieu, le très grand, et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'a donc aucun ami dévoué ici aujourd'hui, ni d'autre nourriture que du pu, dont seuls les pécheurs se nourriront. » فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Mais non, je jure par ce que vous voyez et par ce que vous ne voyez pas, que c'est là la parole d'un noble messager. Ce n'est point la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur des mondes. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Et s'il nous avait prêté de faux propos, nous l'aurions certainement saisi par sa main droite et lui aurions tranché l'aorte, sans qu'aucun d'entre vous ne puisse s'y opposer. Ce livre, en vérité, est un rappel pour les pieux. Et nous savons que certains d'entre vous le rejettent. Mais en vérité, ce sera un sujet de regret amer pour les négateurs. C'est là la véritable certitude. Alors glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Grand.